casser ma team. Tu veux savoir où je suis? Je traînais vers la ligne. Tu veux savoir où je signe? Dans les platines. Je t'en fous. Comme une machine. L'instru. Moi je l'assassine. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Jules c'est magique. Charbonneur, carton roller. Pour mes cassos, mes honneurs. Pour prendre ton or, y'a pas d'heure. Les flics, les cours, les doigts mal chargés. Je me lève, je suis dans les bras. J'ai pas que j'ai, je suis trop ma mal. Vas-y, laissez croire. Ils vont m'atteindre là. Très petit quand tu rêves pas. C'est la street, c'est réelle. J'fais plein de rêves, mon frère. J'vois que du bonheur. J'ai trop de soucis dans ma tête. Ils aiment, je m'envoie en l'air. J'ai des tours vers le quartier. Sur grand-père, ça m'arrone. Y'en a qui m'ont déçu. J'aurais levé la parole. J'fais des tours vers le quartier. Sur grand-père, ça m'arrone. Y'en a qui m'ont déçu. J'aurais levé la parole. J'sauve la tête entre le sourire et oui, même si ça va mal. Si tu me dis tout le temps que t'es là, mais quand j'ai besoin, j'te vois pas. Si tu fais le gros, n'en vois plus grand pour monter en Yamaha. J'sais que beaucoup sont tristes et putain, mène une vie de malade. J'sais que j'te patine, redescends cousine. J'te préviens ce coup-ci, j'ai cassé ma team. Tu veux savoir où j'suis, j'traînais vers la ligne. Tu veux savoir où j'signe, d'or et de platine. J'lève le T-Max facile, j'vois plus devant, j'ai frappé. Sur la Ginette Vercassi, m'arrête pas s'ils veulent m'attraper. Moto passe aux assises, Covid au fils qui l'assise. La vie de rue c'est pas simple, à peine du juste traumatisme. J'suis en fumée, j'suis dans mon dél, j'peux pas dire que la vie est belle. Frérot faut pas tu t'arrêtes, si t'as deux kills dans la selle. Oui j'ai la rouge et la manière, à l'affût d'une petite infirmière. J'ai eu un film la nuit dernière, m'a donné envie d'être terre sur terre-terre. Terre sur terre-terre. Sauve la tête, haute le sourire. Et oui, même si ça va mal. Si tu me dis tout le temps que t'es là, mais quand j'ai besoin, je te vois pas. Si tu fais le gros, n'en crois plus grand pour monter en Yamaha. Si beaucoup sont tristes et putain, mène une vie de malade. Sauve la tête, haute le sourire. Et oui, même si ça va mal. Si tu me dis tout le temps que t'es là, mais quand j'ai besoin, je te vois pas. Si tu fais le gros, n'en crois plus grand pour monter en Yamaha. Dans les platines.